Bonjour, je suis Alexis Besdeberck, analyste chez Carotte Capital, et avec Louis de Rouzier, nous lançons The Gardener. The Gardener, c'est le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Le but est de partager avec vous des expériences, des conseils, mais aussi des anecdotes d'entrepreneurs Deep Tech et vous permettre de suivre le développement de ces technologies dans les différents secteurs. De l'ordinateur quantique à la biotech, en passant par la blockchain, nous accueillerons de nombreux entrepreneurs et chercheurs afin de parler de notre passion commune pour l'innovation. Mon plan de carrière initial de continuer dans la recherche n'était pas compatible avec le fait de lancer une boîte, tout simplement. Quand je commence, je teste sur un petit prototype, un truc que je fabrique avec trois caméras USB, le plateau tournant de mon micro-ondes. On a été chanceux plusieurs fois, et là on est en train d'être chanceux aussi. Si vous êtes intéressé pour partager votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter via notre profil LinkedIn. On se retrouve très bientôt pour le premier épisode de The Gardener.